vie est belle. Mais la vie est un combat. Comme dans un ring. On jettera pas l'éponge. On coupera pas les ponts. La vie est belle, on perd du temps dans les conneries, on garde l'esprit du bon côté, y'a plus d'essais, on reste comme tel. On a des tonnes de problèmes comme tout le monde, aujourd'hui plus rien ne m'étonne, c'est donc du réel que je veux tourner sans faire des tonnes. On reste enfermé dehors comme dans un étau, on en fait souvent trop, de nos jours on perd la valeur de l'or, on dort pour oublier comme la drogue. C'est la même chose, on finira la mort de toute façon, c'est la même chose, on vit au-dessus de nos moyens, la tête sous l'eau à éviter la noyade, c'est pas loyal de faire subir ça aux doyens, c'est des séquelles qu'on leur laisse, leur esprit sent en stress et frappe aux mauvaises portes qui n'ont pas changé d'adresse. Donc là j'agresse tout en restant poétique, dans un état léthargique et ma conscience politique. Car seul l'espoir est prolifique, laisse les voir, leur visage fera seul profil, pas devant le miroir. La vie est un combat, ne te voile pas la face, on met de côté, on investit au même endroit. Y'a que la foudre qui retombe pas, comme dans un ring, on jettera pas l'éponge, on coupera pas les ponts. Grandir c'est dur, surtout si dans la classe tu restes au fond. La vie est un combat, ne te voile pas la face, on met de côté, on investit au même endroit. Y'a que la foudre qui retombe pas, comme dans un ring, on jettera pas l'éponge, on coupera pas les ponts. Grandir c'est dur, surtout si dans la classe tu restes au fond. Faites pas les cons et posez-vous les bonnes questions, car devant les malheurs on reste tous cons, convaincus de nos valeurs. On sort de l'ombre parce que les absents ont toujours tort, donc je me lève à l'aube pour être présent pile à l'heure. La vie c'est dur car on entasse les erreurs qui nous apprennent que courir trop vite donne une veine courte à la douleur. Parlons de couleur car elle est au centre de nos vies, ça n'a pas lieu d'être. C'est du vice à mettre au centre du viseur, du bord du précipice, il va falloir que l'on s'écarte. Donc s'il y a eu des récidives, c'est qu'il y a déjà eu des faux départs. Au bord du gouffre les gens s'étouffent, on ne freine plus dans les chicanes, car trop tête en l'air et c'est le tant qui ricane, on se détruit, on perd du temps, on croque à pleine dents dans le poison. Faudra pas pleurer, car la chance nous tombera les talons. La vie est un combat sans rendre, comme dans un ring, faut savoir rester vif, faudra pas perdre le fil. La vie est un combat, ne te voile pas la face, on met de côté, on investit au même endroit. Y'a que la foudre qui retombe pas, comme dans un ring, on jettera pas l'éponge, on coupera pas les ponts. Grandir c'est dur, surtout si dans la classe tu restes au fond. La vie est un combat, ne te voile pas la face, on met de côté, on investit au même endroit. Y'a que la foudre qui retombe pas, comme dans un ring, on jettera pas l'éponge, on coupera pas les ponts. Grandir c'est dur, surtout si dans la classe tu restes au fond. Sous un air provençal, on se repasse nos histoires. Un jour de plus où nos pleurs se dévoilent au grand jour. Poète dans la rime parce que la vie est bien tragique. De la guerre à la famine, on se querelle pour la frime. Oh, le temps passe, on se cache derrière le travail à la chaîne. 17h au bar, plus la même dégaine. Consommé par les minutes, fumé par un économe. Dire qu'on est vert ne vous sauve pas de la distrip shop. J'ai mis les gants, mais ici-bas, j'ai pas de coach. Avance les yeux fermés en préparant bien ma gauche. Avec une volonté de vaincre parce que beaucoup attendent de moi. Si je perds dans ce que pas mentir et pas, mais brûlez-moi. Les gars, j'ai cette flamme olympique dans le cœur. Ne me tuez pas parce que je crie fort mon malheur. Soldat au violon, appel à la rescousse. Envoyez-moi vos colons, car trop de tombes en pile le jour de pouce. La vie est un combat. Hein? Comme dans un ring. On jettera pas l'éponge. On coupera pas les ponts. Car grandir c'est dur. Surtout, ouais, surtout, si dans la classe tu restes au fond. Si dans la classe tu restes au fond. HK, thérapie nègre, squat record musique. Big South, même dans le violon. Écoute le violon. Danse dans le violon. Hein? Dans un ring. On jettera pas l'éponge. T'entends? Non, non. On jettera pas l'éponge.